Chapitre 230. La recommandation de jeûner 3 jours de chaque mois. Le mieux est de jeûner ces 3 jours au cours de la période de pleine lune, c'est-à-dire les 13, 14 et 15e jours du mois lunaire, ou selon certains, les 12, 13 et 14e jours. Mais le premier avis est l'avis majoritaire et il reste le plus juste. 1258. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit: Mon ami intime, alayhi salatu wassalam, m'a recommandé 3 choses. Jeûner 3 jours de chaque mois, accomplir 2 unités de prière raka'at dans la matinée, doha, et la prière du witr avant de dormir la nuit. Al-Bukhari et Muslim. 1259. Abu Darda, radiyallahu anhu, a dit: Mon bien-aimé, alayhi salatu wassalam, m'a recommandé 3 choses que je n'abandonnerai jamais. Jeûner 3 jours de chaque mois, accomplir 2 unités de prière raka'at dans la matinée, doha, et ne pas dormir avant d'avoir accompli la prière du witr. Al-Bukhari et Muslim. 1260. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Jeûner 3 jours par mois équivaut à jeûner l'année entière. Al-Bukhari et Muslim. 1261. Mu'adha al-Adawiyya rapporte avoir interrogé Aisha, radiyallahu anha, en ces termes: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, jeûnait-il 3 jours par mois? Oui, répondit-elle. Quel jour jeûnait-il? Demanda-t-elle. Il ne jeûnait pas de jour en particulier, dit Aisha, radiyallahu anha. Muslim. 1262. Selon Abu Dhar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: Si tu veux jeûner 3 jours dans un mois, alors jeûne le 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1263. Qatada ibn Milhan, radiyallahu anhu, a dit: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous recommandait de jeûner les 13e, 14e et 15e jours du mois lunaire, c'est-à-dire au cours de la période de pleine lune. Abu Daoud. 1264. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne manquait jamais de jeûner au cours de la période de pleine lune, qu'il soit en voyage ou non. An-Nasa'i, avec une bonne chaîne de narrateurs.